son front lisse une mèche rebelle, lui cache un peu les yeux. On ne peut pas dire que cette fille-là soit belle, mais moi je l'aime un peu. Il est bien des hommes qui aiment les roses, même en bouton, sans même savoir s'il s'agit bien de roses, leur donnent un nom. J'aperçois ses yeux, je commence à croire qu'elle est vraiment belle, vraiment, j'y crois un peu. Il paraît que même les paupières closes, on peut voir les étoiles. Moi j'aperçois les deux yeux de ma belle, chacun son idéal. Je le sais, c'est bien une rose, je lui donne mon nom.